Job chapitre 28. Certainement l'argent a sa veine, et l'or a un lieu d'où on le tire pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre est en fond du rang de l'airain. Il a mis un bout aux ténèbres, tellement qu'on découvre le bout de toutes choses, même les pierres les plus cachées, et qui sont dans l'ombre de la mort. Le torrent, se débordant d'auprès d'un lieu habité, se jette dans des lieux où l'on ne met plus le pied, mais ses eaux se tarissent et s'écoulent par le travail des hommes. C'est de la terre que sort le pain, et au-dessous elle est renversée, et elle est en feu. Ces pierres sont le lieu d'où l'on tire les saphirs, on y trouve aussi la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en a point connu le sentier, et l'œil du milan ne l'a point regardé. Les fans du lion n'y ont point marché, le vieux lion n'a point passé par là. L'homme met ses mains aux cailloux, et renverse les montagnes jusqu'aux racines. Il fait passer les ruisseaux au travers des roches effendues, et son œil voit tout ce qui est de précieux. Il arrête le cours des rivières, et il tire dehors et expose à la lumière ce qui est caché. Mais d'où recouvrera-t-on la sagesse, et où est le lieu de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne point pour du fin or, et elle ne s'achète point au poids de l'argent. On ne l'échange point avec l'or d'Ophir, ni avec l'onyx précieux, ni avec le saphir. L'or ni le diamant n'approchent point de son prix, et on ne la donnera point en échange pour un vase de fin or. Il ne se parlera point de corail ni de pierre précieuse, et le prix de la sagesse monte plus haut que celui des perles. La topaze d'Éthiopie n'approchera point de son prix, et elle ne sera point échangée contre le pur or. D'où vient donc la sagesse, et où est le lieu de l'intelligence? Elle est couverte aux yeux de tout homme vivant, et elle est cachée aux oiseaux des cieux. Le gouffre et la mort disent, nous avons entendu de nos oreilles parler d'elle. C'est Dieu qui en sait le chemin, et qui sait où elle est. Car c'est lui qui voit jusqu'aux extrémités du monde, et qui regarde sous tous les cieux. Quand il mettait le poids au vent, et qu'il pesait les eaux par mesure. Quand il prescrivait une loi à la pluie, et le chemin à l'éclair des tonnerres. Alors il la vit, et la manifesta, il la prépara, et même il la sonda jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, voilà, la crainte du Seigneur est la sagesse, et se détourner du mal c'est l'intelligence.